Radiomatique. La transmission 454 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de Pink Floyd et la pièce One of These Days dans une version stéréo plus brute qui se retrouve sur l'anthologie Works, alors que la version publiée en quadriphonie apparaît sur l'album Metal de 1971. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste anglaise PJ Harvey d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. Audiomatic, c'était la formation islandaise Sea Bear, de qui on entendait la chanson Cold Summer, extraite de leur deuxième album We Built a Fire, paru en 2010. Précédemment à Sea Bear, il s'agissait de l'artiste irlandaise Sinead O'Connor, de son quatrième album Universal Mother, lancé en 1994. Nous avons entendu la chanson In This Heart. Et ce qui amorçait cette séquence musicale, c'était l'artiste anglaise PJ Harvey, extraite de son dixième album Eye Inside the Old Year Dying, sorti le 7 juillet 2023. Nous écoutions la chanson Prayer at the Gate. Et c'est maintenant sur la musique composée par l'artiste Jeff Parker que se poursuit Audiomatic. that says on air. Did you see our leather lovers all tied up to the chair? Did you catch those child molesters? No one else goes there. What a show! What a show! À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de Peter Gabriel, de qui on écoutait la pièce de Barry Williams Show tirée de son album Up, paru en 2002. Avant cela, c'était la pièce Executive Life, composée par Jeff Parker pour son album The New Breed. Jeff Parker est à la base un guitariste qui compose et joue majoritairement pour des orchestres jazz et des groupes post-rock et tout ce qui existe entre ces deux genres. On le connaît entre autres pour sa participation au groupe Tortoise. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation australienne Dead Can Dance. Sout amon, notre tao, notre te amon. Uto traya satia to taya to. Ima to ya satao, notre te amon. Uto traya satia tom. Satia tom, sadom, sadom. Sadom, sadom, una torte sadom, una pace sadom. Sut amon, otra taon, otra teian, ut otra ia satia tota ia to. Ima to ya satao no trateia to, uto traia satia tom, satia tom, sadom, sadom, sadom, sadom, una to te sadom, una pake sadom. Sut amon, otra taon, otra teia to, ut otra ia satia to, taia to, ima to ia sataon, otra teia to, ut otra ia satia tom, satia tom, sadom, sadom. Sadom, sadom, una tote sadom, una pake sadom. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but, that I made that I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in the instrument. And I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums, too. Juices of human beings, that which assimilates and feeds the body. So the crab feeds his astral brain, assimilating and distributing all he receives slowly until it becomes a part of him. Continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. Music's coming through. Music's coming through. Music's coming through. Nous avions droit à Audiomatic au groupe américain The Changelings de son cinquième et dernier album Astronomica, paru en 2002. Nous vous avons présenté la pièce Orbit. Tout juste avant The Changelings, nous avions droit à l'artiste américain Josh Davis, mieux connu musicalement en tant que DJ Shadow, de son premier album studio Introducing, lancé en 1996. Nous vous avons offert sa composition Building Steam with a Grain of Salt. Et la formation australienne Dead Can Dance débutait ce bloc musical avec sa chanson Emeleia, qui est tirée de son sixième album Into the Labyrinth, sorti en 1993. Et c'est sur la musique du projet Alor Seelen que va se conclure cette transmission d'Audiomatic de l'album Hallstatt. Nous allons entendre la pièce But a Spark in the Night. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour conclure Alor Seelen et la pièce But a Spark in the Night. C'était Audiomatic avec les sonoristes. We come to the emptiness we go. Our life but a spark in the night. Emptiness we come, to the emptiness we go, our death with the setting of the sun. Since both heaven and earth's beginning, this has always been the way. What then is the cause of fear? Our life but a spark in the night. Emptiness we come, to the emptiness we go, our death at the setting of the sun. Since both heaven and earth's beginning, this has always been the way. From the emptiness we come, to the emptiness we go, what then is the cause of fear? Our life but a spark in the night. From the emptiness we come, to the emptiness we go, our death at the setting of the sun. Since both heaven and earth's beginning, this has always been the way. From the emptiness we come, to the emptiness we go, what then is the cause of fear? Our life but a spark in the night. Emptiness we come, to the emptiness we go. Our life but a spark in the night. Our